Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film 100% action. Des montagnes de l'Asie centrale au désert d'Égypte, des rues de Paris au pôle Nord, les agents de l'équipe d'élite connue sous le nom de G.I. Joe mènent une lutte acharnée contre un ennemi redoutable. Je veux que les ogives soient prêtes à décoller dans une heure. Quand j'en aurai fini, ce monde n'oubliera jamais. Les Français sont plutôt contrariés. Vous le serez à moi. On n'a jamais eu affaire à une menace pareille. Une équipe est constituée. Ce sont les meilleurs agents au monde. Là où tous échouent, eux réussissent. Je veux en être. Vous avez devant vous des combinaisons accélératrices Delta 6. Ça accélère quoi ? Vous. Ici le général Hawk. Début de la mission. Go, go, go ! On n'a plus le temps. Éjection ! Ça ne fait que commencer. G.I. Joe, le réveil du Cobra, un film de Stephen Sommers, un DVD Paramount.